Tu te venais au baise avec des miettes, PD. God. Alors fils d'up, tu pars de nous. On te laisse par terre. On fait du sale, on fait des sous, je sais que tu sers. Tu veux me voir ou bien me faire. T'es pas le seul, tiens le numéro de ma secrétaire. Derrière la porte, allez qu'on est. Mais je m'en bats les couilles. Mes potos m'ont pas aidé. Mais je m'en bats les couilles. La salope veut me charmer. Moi, je m'en bats les couilles. Je lui ai dit que je suis marié. Elle s'en bat les couilles. Menace-moi, je te baisse ta grand-mère. J'appelle pas les chevilles. T'es en haise, gros t'as pas de lové. Je te fasse pas le ch'tine. Je suis grotesque, je suis dans une grosse caisse. Je fais appel de phare, t'es trop fraîche. Je te mets sur le net. T'as fini derrière le bar. J'ai de Marseille, frérot, je vois des putes. Même à la rue Seine, pas Gigi. Moi, je suis pas Chicha. Sarbi, je suis trop simple. Je monte au bled, je monte à Béjaïa. Je monte à Pataya. Aïe aïe aïe, dans ma wilaya. Mais un peu y'en a. Je te célèbre, mais je t'apprécie pas. C'est le principal. Je suis au check, j'ai tombé 6 packs. J'ai tombé 6 bas. Mes soucis, moi, je les règle tout seul. Juste avec une balle. Je monte la pure, je suis dans The Wire. Je suis dans Breaking Bad. Je marche serein, sur moi j'ai Wellou. J'ai peur de dégâts, gros dégâts. Toi je te calcule pas, ramène-moi quelqu'un. Pas te réalise, et je te paralyse. Et je repars à l'aise, réaliste. Je suis comme Benzema, chante pas la Marseillaise. Tu parles de nous, on te laisse par terre. On fait du sale, on fait des sous, je sais que tu sers. Tu veux me voir, ou bien me faire. T'es pas le seul, tiens le numéro de ma secrétaire. Derrière la porte, allez qu'on est. Mais je m'en bats les couilles. Mes potos m'ont pas aidé. Mais je m'en bats les couilles. La salope veut me charmer. Moi, je m'en bats les couilles. Je lui ai dit que je suis marié. Elle s'en bat les couilles. Respecté, ramène qui tu veux. J'ai mon arme à feu, je t'allume. Je t'éteins, je te rallume. T'es mon joint de vœux. En prison, j'ai des frères à lui. Ta race qu'on beau mettre. Trop de halam, j'ai trop fait hala. Je peux pas être honnête. Au Seigneur, je veux que tu nous bénisses. Je veux que tu les punisses. Au Seigneur, je veux que tu me guérisses. Je suis touché par Iblis. Wesh Nico, je suis avec Stéphane. Je suis avec des Russes. Un message sur un PGP. CMR30+. Nous baiser, ça c'est dans tes rêves. Je te tire mon chapeau. T'as glacé, ça nous intéresse. On a des charbons. Shalom, salut, ça va, salam, malik. Comme on a grandi ensemble, mais bon, on se sert pas les coudes. Autoroute, devient sur le compteur, 3 litres et le moteur. Ouais, jaloux, nique ta grande mother. Parlons ta grande sœur, j'fume la drogue. Là, j'monte à Saint-Trope, flambé l'assassin. Bang, bang, bang, bang, moi, j'aime tout. Alors, fils d'up, tu parles de nous, on te laisse par terre. On fait du sale, on fait des sous, je sais que tu sers. Tu veux me voir, ou bien me faire. T'es pas le seul, tiens le numéro de ma secrétaire. Derrière la porte, allez qu'on est. Mais je m'en bats les couilles. Mes potos m'ont pas aidé. Mais je m'en bats les couilles. La salope veut me charmer. Moi,